Ouais. De l'ombre à la lumière, je reviens. Ça va pas le faire. Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai ton nom, me déplaçant en même temps que toi et sombre, que je te regarde ranger dans les rangs. Je préférerais ton ombre que voir ma vie en noir, que ce soit sombre et ne plus jamais te revoir. On m'a toujours dit s'éloigner pour me se retrouver, mais toi t'es parti à l'armée, t'as pris cette décision pour pouvoir t'éloigner. T'as laissé ta femme sur le carreau, tu savais bien que t'allais être papa du petit Kenzo. Un jour il t'appellera, faudra que tu retournes au ghetto pour aller respecter tes droits de gadjo. Le lâche pas. Moi je sais ce que c'est de grandir sans père, donc laisse-le passer de l'ombre à la lumière. Depuis 93, j'aurais bien aimé passer de l'ombre à la lumière, mais ce n'était que dans mes rêves. Je me réveille, il me manque un repère, un père derrière moi, sur cette putain de terre. Abandonne pas ton enfant, sois fier de ton fils, ses origines, ton sang. L'abandonne pas. T'es à l'armée terre, toujours en étranger, souvent le pied dans le désert. Tu fais des manœuvres et souvent même des guerres. T'as tué de nombreux gens, mais imagine-toi Kenzo qui voit son père en sang. Reviens nous vite, reviens retrouver ton enfant. Certains métiers, tel un bel avenir, bien rémunéré, mais pense à ce que je t'ai dit. Je voudrais pas qu'on te retrouve avec une valise. De l'ombre à la lumière, je passe. Allume le flash. Elle m'a dit qu'un soir dans l'ombre de ses nuits, elle s'est retrouvée embarquée dans un voyage idyllique, au pays des anges et des princesses, des contes et des mythes, au royaume des légendes quoi. Elle a cherché ses sentiments, ses rêves et elle les a trouvés dans un monde imaginaire. Mais sérieux, elle a peur pour Kenzo, qu'il y ait un manque de père. Donc reviens. Elle m'a dit de te dire que tu dois revenir. Elle te soupira pour Kenzo quoi. Le 12 septembre 2010, faut que tu sois là, car tu sais que ton fils naîtra dans ce monde de fou et il aura besoin de toi. Dédicace aux orphelins, aux orphelines, depuis petit, depuis ado. Comme moi. Que ce soit celle qui t'a donné le sein ou celui qui t'a bercé dans ses mains. On a tous besoin d'un père et d'une mère. Toi je sais, t'as perdu ta maman comme ça. Tu sais qu'au paradis ils sont heureux, sinon il y en aurait beaucoup d'entre eux qui mettraient le ciel au feu. Reprends-toi et pense à eux, relève-toi et ils seront heureux. Aime-la, aime-le, et ils seront fiers de toi, aux cieux. Lance-toi! Bonjour et bienvenue à l'aéroport d'Alger. Le prochain avion à destination de Paris-Charles de Gaulle décollera d'ici 20 minutes. Les passagers sont priés de se rendre à la porte d'embarquement 93C. Merci. Hello and welcome to the airport of Algiers. The next plane to Paris-Charles de Gaulle décollera in 20 minutes. The passengers have asked to go surrender to the Pier 93C. Thank you. Cet enregistrement, je l'ai fait à l'aéroport. Pour toi, va retrouver ta femme et ton futur enfant. s'éloigner pour mieux se retrouver. La patience paye toujours. Vas-y.